Si j'avais un bateau, j'aurais pour marin mon chat et mon chien, et je vivrais sur l'eau en baladin, sans penser au lendemain. J'irai tout autour du monde, dans chaque port, un cœur bien aimé, pour m'offrir à la seconde des trésors dès que j'aurai débarqué. Au gré du bon vent, j'irai dans son île, embrasser Christina, et chaque printemps vers le mois d'avril, j'irai voir Laura, aux belles, belles rondes que je ferai si j'avais un bateau. Tout le monde dans le monde m'aimerait si j'avais un beau bateau. Personnage de légende, oui c'est moi, voyant d'amour en amour. Oh si j'avais un bateau, oh si j'avais un bateau, oh si j'avais un bateau.